Changement d'aiguillage. Fin janvier, Faustine décide de quitter son emploi de jeune fille au pair chez les Wolf. Elle scrute les offres d'emploi sans rien trouver qui corresponde à ses compétences. Elle ne sait pas taper à la machine, n'est pas une flèche en allemand, deux obstacles majeurs. Elle refuse tout ce qui se rapporte à la couture, son métier d'origine. Là, on demande un commis dans une boulangerie, mais quand elle téléphone, la place est déjà prise. Finalement, elle appelle Brigitte, son amie du camping. Comme Faustine, Brigitte est une Welsh, ce qui veut dire une Suisse romande parlant français. Elle réfléchit un peu, aurait peut-être une idée, que Faustine la rappelle dans 2 heures. En fin de matinée, Faustine est au bout du fil. « Tout est arrangé », lui annonce son amie. « Viens ce soir avec tes affaires. » Brigitte lui a trouvé un travail. Elle aura un logement au-dessus du restaurant. Elle sera nourrie. Il faudra préparer les hors-d'œuvre, les desserts, s'appuyer la plonge et les gros nettoyages, y compris dans l'appartement de la patronne 2 fois par mois. Est-ce que cela te convient? Bien sûr! Faustine saute de joie. Tout plutôt que de se morfondre à Auberville. Faustine dissimule mal son triomphe quand elle peut annoncer à Madame Wolf qu'elle s'en va le soir même. L'autre fait la grimace, mais que dire? Ah si, il faut que la jeune fille lui verse une dédite de 100 francs pour qu'elle fasse insérer une petite annonce dans le journal, en vue de trouver rapidement une remplaçante. Faustine s'en acquitte sur le champ, réclame son certificat et boucle sa valise. Finalement, les Wolf ne sont pas mécontents d'être débarrassés de cette petite trublionne. Son départ prend des allures de fuite. Quand elle est prête, elle commande un grand taxi, enfourne tout son barda, y compris sa mobilette, et part sans se retourner. Personne n'est venu lui dire adieu, ne lui a souhaité bonne chance. Après tout, c'est de bonne guerre. Faustine peut s'estimer heureuse de s'en tirer à si bon compte. En effet, comme elle n'est pas majeure, en Suisse, les Wolf auraient pu se plaindre à ses parents et l'obliger à terminer son année. Il est 21h passé, ce 31 janvier 1975, quand Faustine débarque devant le restaurant Schwane, le Cygne, à Birsfelden. Brigitte l'attend à l'intérieur pour la présenter à sa future patronne. Celle-ci, une ancienne beauté blonde prénommée Elsbeth, l'accueille chaleureusement. Elle lui explique, en gros, ce qu'on attend d'elle en échange de 600 francs par mois, du gîte et du couvert. Faustine découvre ensuite son nouveau logis, un appartement au 2e étage de l'immeuble. Toute la maison appartient à l'espèce, qui comporte 2 chambres à chaque bout, séparées par une cuisine et une salle de bain commune. Faustine est ravie, sa chambre est spacieuse et bien chauffée. Le lendemain à 11h, Faustine commence sa vie dans l'hôtellerie. En cuisine, elle rencontre Mathias, le chef, un Berlinois de 30 ans, et Mohamed, homme à tout faire. En salle, officient Sylvia et Martine, supervisées et parfois secondées par Espèce au moment du coup de feu. Chaque jour à midi, on sert une 40aine d'assiettes aux ouvriers du coin et à quelques touristes de passage. La plupart commandent le plat du jour, précédé d'une salade, occasionnellement suivi d'un dessert. Faustine apprend à préparer les salades, à doser les sauces, à mettre en place les desserts. Cela n'est pas bien compliqué. La sauce est déjà prête, la salade attend dans l'eau froide. Quant aux entremets, quand ce n'est pas une boule de glace, c'est une rondelle d'ananas arrosée de kirsch et décorée d'un double de crème. Le plus délicat est le remplissage de la bonbonne qui sert à émulsionner la chantilly. Ce n'est pas évident, surtout quand on appuie trop vite sur le déclencheur et qu'on reçoit tout dans la figure. Les fous rires sont fréquents. Faustine court aussi chercher, dans la réserve ou le congélateur, les produits commandés à la carte. Il ne s'agit pas d'avoir les 2 pieds dans la même pantoufle. Au bout de quelques jours, la jeune fille est tout à fait rodée. Elle saisit les commandes sur le comptoir, les lit à voix haute, les fiches sur les clous par ordre d'arrivée, s'occupe de la salade, du panier à pain, récupère la viande dans la chambre froide, arrose les desserts de kirsch sans dépasser la dose prescrite. Le 2 heures est là pour ça. Dans son élément, elle dépense son énergie sans compter. Elle s'amuse d'autant plus que Mathias est un chouette complice, toujours prêt à plaisanter. Les steaks volent par-dessus le piano et atterrissent parfois par terre ou encore dans la plonge. Mathias les récupère façon Gaulle, les rince, effectue une pirouette, les jette dans la poêle par-dessus son épaule et hardit petit. La cuisson désinfecte tout. Faustine ne se fera plus jamais d'illusions sur l'hygiène dans la restauration. Après le service de midi, Mathias prépare le repas du personnel, tandis que Faustine et Mohamed se partagent le travail à la plonge. Lui rince les couverts, elle les met en machine. Enfin, tout le monde rejoint la salle à manger. Faustine ne connaît pas encore suffisamment le suisse allemand pour en percevoir toutes les subtilités, mais elle garde les oreilles grandes ouvertes. Sylvia, baloise, pure souche, est sans conteste la star de l'établissement. Vive, intelligente, elle a beaucoup de charme et un sens inné de la repartie. Très jolie, elle est toujours bien habillée. Douée, elle réalise elle-même ses tenues, jupe à godets, corsage en dentelle. L'autre serveuse permanente, Martine, est un peu plus âgée et beaucoup plus bourrue. Elle se livre peu, se contente de travailler correctement. Faustine se promet de suivre l'exemple de Sylvia. Au repas, on ne voit jamais longtemps Elspeth qui expédie son assiette avant de monter se reposer. Il est rare qu'on mange chaud dans la restauration. Ses journées sont plus longues que celles de son personnel. Souvent, elle reste seule après 18 heures pour tenir la boutique et doit assurer jusqu'à minuit. Certes, en soirée, il y a beaucoup moins de monde. On reçoit aussi bien 2 pelés et 3 tondus qui viennent taper le carton autour de 5 décides rouges que des couples qui célèbrent un événement spécial. Un espace dans la partie lambrissée du restaurant est réservé à ces derniers. Les tables y sont recouvertes de belles nappes blanches et de bougies. L'endroit est intime et chaleureux. Au fourneau, Mathias devient créatif. Donner le meilleur de soi pour des plats déjà effectués des dizaines de fois n'est pas toujours facile. Le lundi, jour de fermeture, est aussi celui des gros nettoyages. Faustine et Mohamed sont chargés de récurer les fours, l'ensemble du piano, ainsi que la hotte qui le surplombe. C'est un travail épouvantablement dur. Il faut démonter tous les filtres, les tremper dans une solution de soude et de savon et surtout frotter à fond pour ôter la couche de graisse accumulée. Bien qu'ayant commencé leur labeur à 11 heures, il est passé minuit quand ils l'achèvent. Elspeth les félicite et leur avoue que ça n'avait pas été fait aussi bien depuis des années. Heureusement, elle a ensuite le bon goût de leur glisser un billet supplémentaire. Faustine s'endormira très vite ce soir-là. Elle aime beaucoup sa chambre, malgré le lit, une place. En outre, elle dispose d'un balcon, peut utiliser la cuisine, le frigo, quelques yaourts aux frais, c'est toujours sympa. La salle de bain, enfin, immaculée, luxueuse. La deuxième chambre de l'appartement est occupée épisodiquement par Martine, actuellement en recherche d'un logement individuel plus grand. À la grande déception de Faustine qui espérait devenir l'amie de sa voisine française, celle-ci ne met les pieds dans sa chambre que pour dormir, et elle n'entend pas s'être dérangée. Le lundi qui suit le mercredi des cendres débute le carnaval de Bâle, à 4 heures du matin précise. Pendant très exactement 72 heures, la population se rassemble au centre-ville pour se moquer, se lamenter, et rire de tous les faits divers, comiques, dramatiques et politiques de l'année écoulée. C'est la toute première fois que Faustine assiste au Morgenstreich, qui signe l'ouverture des festivités. Ce dimanche soir, la jeune femme a retrouvé son oncle et sa tante à la Dornacherstrasse. Ils ont soupé puis dormi un peu avant de se mettre en route à 3 heures, en direction de la Barfusserplatz, la place des Cordeliers. Chaudement habillés, ils se sont postés à un emplacement où tonton a ses habitudes afin d'avoir la meilleure vue possible. Et c'est bientôt l'heure. On sent un vent d'anticipation parcourir la foule. À 4h-1, la tension est palpable, encore plus fort qu'à Nouvel An. À 4h très précises, toutes les lumières s'éteignent d'un coup et la magie commence. Au son des fifres et des tambours, arrivent de toutes les ruelles, les cliques et leurs lanternes tant attendues. Ces immenses constructions de papier dévoilent le thème choisi par chaque clique. Un fait divers ou politique qui a particulièrement ému les habitants. Les secrets ayant été bien gardés, la surprise est totale. Les lanternes, grosses et petites, chaque participant encore une sur la tête, se reflètent dans toutes les vitrines, créant un décor fantasmagorique. Faustine reste bouche bée. Ce qu'elle ressent est indescriptible. Les grosses caisses la remuent aux tripes, elle fixe chaque lumière, essayant de comprendre les dessins et les mots. Le vacarme est tel qu'elle n'entend pas les explications de son oncle. Quand le défilé est terminé, au petit matin blafard, la foule se répartit dans les restaurants environnants. Les affamés commandent la soupe à la farine rôtie, qui sera suivie du traditionnel gâteau au fromage et à l'oignon. Ensuite, on ira se coucher, les yeux pleins d'images joyeuses, sarcastiques, ironiques ou mélancoliques. Au Schwan, c'est l'effervescence. Dans la soirée, il y aura un bal, juste après le passage d'une clique qui viendra réciter des Schnitzelbank, ces poèmes satiriques qui se moquent des pouvoirs religieux et politiques en place et qui critiquent et vilipendent les escrocs maladroits ou malhonnêtes notoires. Faustine est requise pour décorer la salle. Elle est juchée sur une échelle en train d'accrocher des guirlandes quand entre dans le bistrot un client rieur, aussitôt accueilli en fanfare. Il a dans les 45 ans, mi-clochard, mi-aventurier, en blouson d'aviateur. Il est accompagné d'un magnifique berger allemand, au regard très doux. « Tiens, le René !» s'exclame Elspeth. « D'où viens-tu comme ça? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. » « J'avais un chantier en Suisse romande, » explique le René. « Du boulot pour tout un mois. Je viens juste de finir. » « Viens boire un verre, c'est ma tournée, » clame la patronne. Faustine, sa tâche accomplie, descend de son échelle. Elle va démarrer son service du soir en cuisine, reviendra après le coup de feu pour aider en salle. Les extras engagés pour la soirée apprécieront sûrement un peu d'aide pour servir bières et pichets. Comme partout à Bâle, on aura mangé la soupe à l'oignon et à la farine brûlée et les délicieux gâteaux au fromage. Vers 22h, la cuisine est propre et prête pour le lendemain. Faustine, qui n'a eu jusqu'à présent que des échos de la fête, se dépêche de monter chez elle, enfiler une tenue adéquate pour finir la soirée au restaurant. Elle prend et sert quelques commandes, mais se voit vite détournée de ses tâches par un jeune danseur assidu. Robert est également un habitué, jamais aperçu avant pourtant. Il a très vite repéré la donzelle qui virevolte maintenant dans ses bras avec toute l'énergie de ses 19 ans. Ton enthousiasme est tellement évident, sa joie de vivre si communicative que les vieux habitués en arrêtent de papoter pour observer le jeune couple. L'instant est magique, au point qu'Elspeth en oublie son tiroir-caisse pour une fois. Faustine est heureuse, elle a trouvé un cavalier à sa mesure. Elle danse jusqu'au bout de la nuit. Elle aime le monde entier, et le monde entier l'aime. Elle irradie de bonheur.